comme Snap, on a le power. On avance comme King Kong, on s'écroule comme les Twin Towers. Aucun bipède ne reste intact, travail impeccable après l'impact. Vos soldats sont tous réformés P4. On aime mystère, que la science ajoute une décimale sur l'échelle de Richter. On aime frimer, putain on existe. On aime déprimer, rimer sur du rap triste car on veut les diamants comme Giscard, nous érémistes ou Sumika. On s'exile dans un autisme inexplicable, inimitable dans le style, on cogite si tard. Nos crews sont des mini-armées qui taffent tellement que les tombes aux ennemis ont la marque de nos épitaphes. Dur de faire les milliards sans risquer le mitard. Regarde ce que l'homme fait pour le papier qui rend foyer. Foyer, mec, Mac Mendoza. Nigga. T'en mettre plein la vue, à te péter le nerf optique, moi, dans un gamos, c'est une scène érotique, SOS, MC Fauché. Note le numéro vite, frérot speed, ça finit par 08. T'as fait, ou vendre de l'air optique. Ils ont rien fait, c'est ce qu'on dit, nos mères aux flics. Maillé pour payer un verre aux petites et s'évader. T'inquiète, frérot, zéro cuite. Pas de speech, quand un négro speak, mec, je profite. On veut les trophées et faire les gros titres. Amertume, je crois, nique sa mère d'une. Moi, je veux des thunes, deux, on vit qu'une fois. Remplir la panse, garçon, mais bon, passons de façon. Ici, la chance se fait remarquer par son absence. On est peut-être nos jeux, mais eux en vieillissant, vieux. Ils ont des crêtes et des têtes de jeu. J'ai des amertumes, mais je veux ma thune. Paradoxe et amertume, nos sales lyrics militent. On est des malades, on mérite qu'on nous administre des putains de salaires de ministres. Salaire de ministre, mec. Mais je veux ma thune. Paradoxe et amertume, nos sales lyrics militent. On est des malades, on mérite qu'on nous administre des putains de salaires de ministres. Je lui en veux seulement, j'en veux tellement. Ils m'ont appris aimer l'argent presque autant que là. Voudrait-il qu'on tente la vie d'esclave? Vichy honnête, c'est rare comme un gangster binoclard. Chaque fin de mois vient nous clash. Et Jacques l'État nous dit paye nous crash. C'est pour cela qu'on se la joue. On crache tout sur huissier, contrôleur, contractuel. C'est le bouc là, nous foutent la rage. Aïe aïe aïe, je rugis comme fou ta barche. Saisis qu'ici, rien n'est easy. Alors vas-y, voilà ma poche vide. Grande ouverte vide, tu blémésies. Tous engrainés, notre frénésie. Tu peux pas freiner, impossible comme Bob. Futuring Charles traîné. Si tu veux régner, mourir vieux et riche comme Jean-Paul II au prince régné. Je fais des amertumes, mais je veux ma thune. Paradoxe et amertume, nos sales lyrics militent. On est des malades, on mérite qu'on nous administre des putains de salaires de ministres. Salaire de ministre, mec. Mais je veux ma thune. Paradoxe et amertume, nos sales lyrics militent. On est des malades, on mérite qu'on nous administre des putains de salaires de ministres. Je fais des amertumes, mais je veux ma thune. Paradoxe et amertume, nos sales lyrics militent. On est des malades, on mérite qu'on nous administre des putains de salaires de ministres. Mais je veux ma thune. Paradoxe et amertume, nos sales lyrics militent. On est des malades, on mérite qu'on nous administre des putains de salaires de ministres.